Je voulais te composer une jolie chanson d'amour, de ces poèmes trempés dans une encre de velours. Maladroit pour l'écriture, autant que dans l'existence, je gomme, je fais des ratures, j'efface et je recommence. Ah, c'est pas facile, les chansons d'amour. Mais comment font-ils tous les troubadours? J'en connais pour qui les rimes coulent comme à la fontaine. Ils m'agacent, ils me dépriment, ceux qui versifient sans peine. Moi j'ai beau creuser profond, mais rien ne sort de mes tripes. C'est la muse des chansons qui a dû me prendre en grippe. Oh, c'est pas facile, les chansons d'amour. Mais comment font-ils tous les troubadours? Au paradis des poètes, je n'irai pas, c'est certain. Et du vieux maître de sept, je serai jamais copain. Oublions la gloire céleste, le panthéon des chanteurs. L'important c'est qu'il me reste une place dans ton cœur. Oh, c'est pas facile, les chansons d'amour. C'est un art subtil, je suis pas fait pour. Oh, c'est pas facile, les chansons d'amour. C'est un art subtil, je suis pas fait pour, je suis pas fait pour.